mi amor, venga, venga, el, el, fu, fu, seguinos mon papé, yeah, eh, faut se revoir en 2054, papé, yeah, enfant du bloc, merde, el, yeah, dis-le, el, le temps se couvre dehors. Il pleut de la haine, mec, ça tue pour l'or. Dans l'erreur, on y reste, mec. Les riverains des ruines à la gorge, frère. La banqueroute, on nous laisse que des taxiphones et des henos. Des snacks et des boudrons pour vendre le caramel, pour gueuler la mêle aux étrangers. Qui te balance et qui t'envoie en terre étrangère. À lui, nos promesses à freine. Pendant que ton fric est mangé par l'associé. Et au quartier, il fait sa folie millénaire à mort. Tes mandats lui servent à piner des putes au Dallas. C'était le feuilleton, le feu tue l'amour. Deux jeunes ont trouvé la mort. Le temps se couvre dehors. Les jeunes concoctent des cocktails molotov. Sniff la coque, décolle en charter et compte bien. Atterrir en confort, des corps dehors sont nos cavernes. Dehors, c'est la guerre, donc normal que je transforme tes salles de concert en caserne. Ici les goldbots ne savent plus quoi faire. Les jeunes se prennent pour Tony et confondent le monde avec le cul à Michel Pfeiffer. Préfère risquer le ban car savent que Marie-Jeanne réussit mieux ses récoltes que Charlemagne. Dans nos ghettos, les jeunes veulent des culs, les culs, en foutant des coups de coude, du coup. Dans nos ghettos, les jeunes croient voir la vie en rose, mais ont tout sur les yeux du pécule. Tu peux savoir les jeunes ce qu'ils veulent. Tu veux savoir en bas ce qu'ils vendent. La drogue, l'épée de ce qu'il est fait de monde. Tu veux savoir les jeunes ce qu'ils veulent. L'émeraude, l'épée de ce qu'il est fait de monde. Tu veux savoir en bas ce qu'ils vendent. La drogue, l'épée de ce qu'il est fait de monde. C'est comme voir l'étincelle du phénix renaître de ses cendres. La flamme qui veille en toi depuis le temps qu'on veut me descendre. Que je mène le même combat, le rôle d'une balle pendant la guérilla. Le point culminant de mon point reste mon troisième doigt. Voilà, je crois qu'il est temps de remettre les quilles en ordre et faire du porte à porte un corps à corps pour le désordre. À bord de la crise de nerfs, les gosses d'en bas n'attendent plus. Qui est le prochain à descendre, c'est le genre de phrase qui ne dérange plus. C'est l'unité de censure, black, on trace les fouilles. On tend les mauvaises herbes trop light qui embellissent nos ruines. Nos vies, un stand de tir, un ring de poussière pour le fight. Car plus y'a de fous et moins j'aurai de mal à perdre votre vie, un strike. Il ne fait rien de toute la journée. Tout le monde le reproche. Tout le monde le reproche de n'être qu'un voyou, un fainéant. Mais pourquoi il ne cherche pas un travail honnête? Mais je ne demande pas mieux. Étudier, apprendre, c'est pas ce qu'il aime. La drogue, l'émeraude. Voilà ce qui lui plaît. Psychiatre n'a jamais manié de crosse. Nos empreintes, prends-les dans le bloc. C'est notre poste, de là on riposte. La mauvaise posture qu'on coupe nos gaillos. Les illettrés de Macintosh qui travaillent au mortier à la plonge. On compte avec les doigts et le monde, on le mange. Y'a pas de nonchalant, que des revanchards. En plein challenge, ça mélange démons et anges selon les conséquences. Dans ce cancer social, les schmitts croient être la chimie de la délinquance. Ça shoot devant une diligence. Ou pour du shit, faut des chèques, du shit. Pour plaire aux chats, faut de l'élégance. Car si tu veux savoir, plus rien nous étonne. L'envie de choquer le monde nous trotte chaque jour et chaque seconde. Voilà ce que veulent les jeunes, le droit au bonheur, le changement d'humour avant que des têtes de temps. Tu veux savoir les jeunes ce qu'ils veulent. L'émeraude, l'épée de ce qu'il est fait de monde. Tu veux savoir en bas ce qu'ils vendent. La drogue, l'épée de ce qu'il est fait de monde. Tu veux savoir les jeunes ce qu'ils veulent. L'émeraude, l'épée de ce qu'il est fait de monde. Tu veux savoir en bas ce qu'ils vendent. La drogue, l'épée de ce qu'il est fait de monde. Tu veux savoir les jeunes ce qu'ils veulent.